Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Histoire sans images. Dans les années 60, Michel Pollack proposait une émission qui invitait des réalisateurs à présenter, en compagnie de leurs interprètes, l'un de leurs films, à travers son scénario, son découpage et son dialogue. Au mois de mai 1967, lors de deux émissions, il recevait Georges Franju pour l'adaptation de Thérèse Desqueyroux qu'il avait réalisée 5 ans plus tôt. Franju évoquait ses films, courts et longs, parlait de Mauriac et Cocteau, commentait le scénario du film. Emmanuel Riva, l'interprète de Thérèse, était là pour lire le script et en rejouer quelques séquences. Comme toujours avec Georges Franju, cela donnait lieu à une conversation animée, cocasse parfois, drôle souvent et passionnante en tout point. Histoire sans images, une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Thérèse Desqueyroux, première partie, avec Georges Franju et Emmanuel Riva. Après le scandale de Chabrol que nous vous avons présenté le mois dernier, voici aujourd'hui de Georges Franju, Thérèse Desqueyroux. Il faut dire Desqueyroux ou Desqueyroux, Georges? Oh, Desqueyroux. Desqueyroux. Desqueyroux, ça fait plus parisien. Oui, ça fait plus intellectuel. Et par contre, ce qui fait très régional, c'est de dire Desqueyroux. Desqueyroux. Mais c'est pas joli. Oui. Ils ne prononcent pas les X, ils disent... Ils disent tout. Oui. Mais ils n'avouent jamais. Il était difficile de choisir un film de Georges Franju pour présenter dans cette série Histoire sans images, car il y a tout de même plusieurs films de vous que l'on aimerait présenter et en discuter avec vous. Et peut-être même Thérèse Desqueyroux n'est pas le plus représentatif, mais c'est peut-être le plus simple à présenter. C'est le plus simple à raconter. Oui. Étant donné le style de François Mauriac, et surtout ce qu'il dit dans Thérèse, et surtout à cause du caractère de Thérèse, qui est un caractère en profondeur et que par conséquent on peut facilement approfondir et définir. Si nous avions choisi le film qui est pour vous celui qui vous tient le plus à cœur, par exemple, il aurait fallu choisir lequel? Parmi les longs métrages? Oui. Probablement Thomas l'Imposteur et Judex. Oui. Ça, Judex, ça ne m'étonne pas. Vous vouliez tourner Fantomas, mais enfin quand même, Judex, vous y avez mis beaucoup de vous. Bien sûr, je voulais tourner Fantomas, mais Fantomas, je ne peux pas le tourner, parce que le film est déjà tourné par un réalisateur qui a énormément de succès, et qui risque de continuer à faire des Fantomas toute sa vie. Oui. Mais qui ne retrouve pas, me semble-t-il... Mais ça n'a pas tellement de rapport avec Fantomas. Alors comme je ne pouvais pas tourner Fantomas... j'ai pensé qu'il était possible de représenter Fantomas à travers le personnage le personnage mauvais, le mauvais génie, qui est le personnage de Diana Monti, la femme au collant noir. Alors que le personnage de Judex ne m'intéresse absolument pas du tout, puisque c'est le personnage du justicier qui est un personnage statique, alors que le personnage du criminel est toujours un personnage dynamique, vivant. Et vous auriez choisi aussi Thomas l'Imposteur, qui n'a pourtant pas été le plus grand succès dans vos films. Ça a même été un semi-échec, non? C'est commercial, en disant ça. Non, mais commercialement, ça n'a pas marché du tout. Parce que j'ai compris, vous savez, c'est quand un film est fait, qu'il est montré au public, qu'on comprend. Vous savez, chez Mauriac, on souffre, et chez Cocteau, on rêve. Or, les gens n'aiment pas rêver. Et comme dirait Cocteau, qu'est-ce qu'un imposteur a à faire d'un autre imposteur? C'est vrai, Cocteau n'a jamais prétendu avoir des succès publics, alors que Mauriac est plein de conflits. Thérèse est un conflit, elle vit en plein conflit, et l'ensemble... Il y a un conflit d'abord psychologique, il y a un conflit familial, il y a un conflit social. Chez Cocteau, il n'y a pas de conflit. Les gens s'aiment. Et Cocteau est le contraire de Mauriac. Mauriac traverse une région et Cocteau traverse une époque. Reste à savoir si on s'intéresse encore à cette époque, l'époque étant celle de 1914. C'est l'un est le contraire de l'autre. Mais vous vous sentez autant attiré par l'un que par l'autre? Je suis beaucoup plus attiré par Cocteau. Seulement Cocteau est déjà un homme de l'optique. Par conséquent, je ne peux pas ajouter grand-chose à Cocteau, alors que je peux tout faire avec Mauriac. Cocteau est un homme de cinéma. Et c'est un poète, et poète à ce point curieux d'ailleurs, que le style littéraire de Cocteau, qui est un style très fleuri et très, très français, très orné, est le contraire de son style cinématographique, qui est un style noir, qui emprunte toujours à la mythologie grecque ou la mythologie romaine, et qui a des racines profondes dans ce qu'on appelait longtemps l'expressionnisme allemand. Le style optique de Cocteau est germanique, son style écrit est français. Oui, c'est vrai. Il fallait donc que je fasse autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais été choisi, comme me dit Cocteau. Il m'avait dit, tu vas faire Hôtel des Invalides. Ah, en me parlant de Thomas Pesquet, oui, il m'a dit, je veux être trahi par toi, et je veux que tu fasses Hôtel des Invalides. Et j'ai fait Hôtel des Invalides. Ça ne ressemble pas à un film de Cocteau. Et ça ne ressemble pas non plus à la littérature de Cocteau, à l'écriture de Cocteau, sauf si on gratte. Si on le dépouille sa littérature de toute son ornementation. Alors là, on retrouve le film. Vous avez hésité tout à l'heure lorsque je vous ai demandé quel est votre film préféré. Vous m'avez dit long métrage. Vous pensiez donc ou court métrage. Et à ce moment-là, les courts métrages, c'est Hôtel des Invalides, de très loin. Alors, oui. Bien sûr, bien sûr. Et Hôtel des Invalides, c'est à la fois le fantastique noir, la critique sociale, l'esprit anarchiste, c'est le résumé c'est de C'est un ensemble, oui, c'est un ensemble. C'est un ensemble que je retrouverai difficilement. C'est pour ça que j'aime bien Thomas Lapoester, parce qu'on retrouve... Mais Thomas Lapoester, on m'a dit, et j'en étais très très flatté d'ailleurs, les Anglais, on dirait une chronique proustienne. Pour moi, c'est très flatteur, mais personne ne lit Proust. Pourquoi voulez-vous qu'on s'intéresse à Thomas Lapoester en tant que film? Ah, on commence à lire Proust. Oui, quoi. Oui, mais oula, bien sûr, on commence, mais depuis... Enfin, on commence, on, bien sûr, il y a des gens qui lisent Proust, mais enfin... C'est vrai que... Ces personnages sont impalpables chez Cocteau. Ce Thomas n'est même pas un aventurier, c'est un caractère aventureux. Cette princesse est polonaise. Et ce Pesquel du Port est un personnage en porte-à-faux, tout est en porte-à-faux. Sont des personnages insaisissables et le public n'aime pas ne pas se trouver, surtout quand il s'agit de la guerre. C'est ça, c'est ce que j'aime. Quand il s'agit de la guerre. Alors, si bien que chez Mauriac, au fond, tout est dramatique et rien n'est tragique, et que chez Cocteau, tout est tragique et rien n'est dramatique. Parce qu'il n'y a pas de conflit. La tragédie étant la guerre, mais la guerre est un événement supérieur que les gens aiment beaucoup quand ils ne la font pas, par exemple. Alors, ça ne touche pratiquement personne. C'est-à-dire que quand ils voient un film de guerre, ils veulent voir un homme d'action. Absolument, qui fait des tas de absolument. Choses. Alors, les gens, moi j'ai présenté le film en Allemagne et je me suis rendu compte que ces gens-là sont incurables. Car ils aiment les héros, ils aiment les combats, ils adorent ça. Alors, un film dans avec lequel on montre la guerre vue de la coulisse, comme disait Cocteau, et à laquelle j'ai horreur de toucher, je me défends de pathétiser la guerre. Pathétiser la guerre, c'est déjà la rendre intéressante et attirante. Mais alors maintenant, nous en venons à Thérèse Desqueyroux et ce film qui a été, je crois, un très grand succès, qui a valu un prix à... Oui, à Emmanuel Rivet, qui a eu la Coupe Volpi à l'unanimité, ce qui ne s'est jamais vu, je crois, à Venise, et qui, d'autre part, a eu un très grand succès commercial. Car pour un film qui est tout de même un film littéraire, faire 250 000 entrées à Paris, on s'aperçoit maintenant que ça représente quelque chose. Mais est-ce que parce que chez Thérèse, il y a cette espèce de torture, et beaucoup de femmes se reconnaissent à travers cette Thérèse, qui est un personnage ambivalent, on peut dire un personnage ambivalent type, qui reçoit deux influences en même temps, c'est-à-dire l'influence de son adolescence heureuse et l'influence de son mariage raté, car c'est une fille qui tend évidemment vers ses souvenirs et dont le rêve au fond serait probablement de vivre avec sa petite amie d'enfance, mais qui est une femme des Landes, donc qui a une folle envie de se caser et de rentrer et de tenir son rang. Si bien qu'il y a deux Thérèses, s'il y avait qu'une Thérèse, ben mon Dieu, on n'en parlerait pas, elle serait ce qu'elle est à l'origine. Et s'il y avait l'autre Thérèse, ce serait une femme des Landes, comme toutes les femmes des Landes, mais il y en a deux. Et c'est évidemment le choc de ces deux sentiments qui suscite chez elle ce sentiment supérieur de la révolte. Thérèse est une insurgée morale. Et alors, elle appartient, puisque c'est une méditative, qu'elle regrette toujours son adolescence. On peut dire qu'elle appartient, elle pourrait appartenir au nouveau roman. Mais dans la mesure où c'est une insurgée, où elle tente d'empoisonner son mari, elle appartient à la littérature classique. C'est en ça que Thérèse m'intéressait et me passionnait. C'est une femme merveilleuse, Thérèse. Mais Mauriac a sans doute inventé son personnage dans une optique chrétienne. Je pense que vous, ce n'est oui, pas tellement... Oui, pas du tout. Moi, j'ai... Non, ça m'est égal. Moi, ce sont des choses que je ne sens pas. Chrétien, pas du tout. Ça, c'est une chose que j'ignore. Non, Thérèse, pour moi, est un personnage merveilleux. D'ailleurs, l'optique chrétienne de Mauriac, c'est une optique curieuse, car j'ai reçu une... On m'a reproché, la centrale catholique, toujours naturellement pleine de reproches, mais ça aussi, ça n'a pas d'importance. Au contraire, ça me rassure. La centrale catholique trouvait curieux que je ne tienne pas compte d'un événement qui se produit dans le livre. C'est-à-dire que quand Thérèse va pour s'empoisonner, le suicide étant sacrilège, à ce moment-là, la bonne annonce que tante Clara est morte. Et c'est la mort de tante Clara qui sauve Thérèse du suicide. À ce moment-là, Thérèse pense à Dieu. Je trouve curieux, non pas curieux, parce que c'est dans les habitudes des grands auteurs chrétiens, mais je trouve quand même, je trouve ça drôle plutôt. Je trouve drôle, je trouve abusant que François Mauriac, pour sauver la vie de Thérèse, pour sauver l'âme de Thérèse, qui n'est pas un personnage croyant, n'hésite pas à faire mourir la pauvre tante Clara, qui, elle, comme on dit en Bretagne, est confite en dévotion. Mais ça, c'est un thème qu'on retrouve effectivement souvent. Toujours. Tous les grands écrivains chrétiens sont comme ça. Et c'est pour ça que je voulais traiter d'abord l'adolescence de Thérèse. Parce que si on ne traite pas l'adolescence de Thérèse, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre son comportement avec son mari. On penserait qu'elle est folle, cette fille. Il fallait donc que je traite cette adolescence, la partie adolescence, à laquelle d'ailleurs Claude Mauriac ne tenait pas tellement, ce que je n'ai jamais compris, parce que le personnage de Thérèse devient absolument incompréhensible. Mais d'autre part, je voulais que Thérèse fût libre, comme dirait Mauriac. Et j'ai refusé de tourner la suite de Thérèse, les deux suites de Thérèse, qui sont La fin de la nuit et Plongée. Les deux romans, deux très mauvais romans, dans lesquels Mauriac, auteur chrétien, châtie Thérèse. Il fallait que Thérèse payât. Or, je n'admets pas la déchéance, chez personne, et encore moins chez un personnage aussi beau que celui-là. C'est pour ça que je n'ai pas voulu... C'est tout de même curieux, aller abîmer un si beau personnage, hein, une héroïne aussi exemplaire, aussi merveilleuse, pour la châtier. Ça, je ne peux pas l'accepter. Le roman et le film se terminent d'une manière tout à fait ouverte. Absolument, Thérèse est libre. Elle est libérée. C'est très, très amoral. Mais oui, bien et sûr. Et je crois que votre film a été présenté dans certains lieux avec un avec texte. Un carton, oui, de la centrale catholique qui disait ce que je viens de vous dire. Oui. C'est-à-dire que je n'avais pas tenu compte du contenu spirituel du roman. Et aussi, je crois, de la date que vous aviez déplacée dans les temps modernes. Mais ça ne change absolument rien. Oui. Parce qu'il y a ce phénomène qui se passe, c'est que tous les grands romans et tous les grands romanciers sont provinciaux. Et pour une raison simple, c'est qu'on s'aperçoit que le caractère provincial est un caractère stable. Les cons sont les cons. Les cons ne bougent pas, les cons n'évoluent pas, alors que les citadins, les intellectuels, bougent continuellement, évoluent. Le caractère, donc, du personnage d'un Parisien de l'époque de n'importe quelle époque, de 1900, de 1960, est un caractère qui n'a aucun rapport avec le caractère d'un Londonien ou le caractère d'un Libanais. C'est tout à fait différent, ce sont des personnages étrangers les uns aux autres. Mais le caractère provincial d'un Français, d'un Anglais, d'un Allemand est le même. Et à toutes les époques. Parce qu'ils s'installent dans la tradition. Ces gens-là ont une ligne droite. Ce sont des gens dont intacts. Ils ne bougent pas. Et d'ailleurs, il faut bien remarquer que Les grands littérateurs sont des littérateurs provinciaux, c'est vrai, toujours provinciaux. Ou alors qui gardent le regard du provincial. Et qui gardent le regard du provincial. Parce que Balzac était bien parisien, d'abord, mais en même parce temps, que il ça permet toujours ce retour vers le passé, si cher à nos romanciers, bien avant le nouveau roman, évidemment. Mais on pourrait dire pour Mauriac que l'atmosphère feutrée, l'atmosphère presque tchékovienne parfois dans Thérèse. Mais ça c'est dû à son côté landais, parce que chez Cocteau, par exemple, si on fait le pour un terme de comparaison, je prends toujours Cocteau parce que c'est le contraire de Mauriac. C'est pour ça que ça m'a beaucoup amusé de faire les deux. Comme a répondu Cocteau quand Mauriac lui a envoyé son recueil de poèmes, les mains jointes, Cocteau a répondu à Mauriac, aux mains jointes, les mains ouvertes. Et c'est vrai, c'est tout à fait significatif de l'un et de l'autre. Et Mauriac, Cocteau, c'est les mains ouvertes, c'est-à-dire que il prend des personnages, un personnage s'appelle Thomas, un personnage s'appelle Henriette de Bormes, tous ces personnages sont flous, tous ces personnages sont des rêveurs, ces personnages, s'ils se connaissent, il n'y a jamais de conflit entre eux, ils s'aiment mais ils ne se touchent pas. Chez Mauriac, on se touche et on se hait. Et finalement, tout ça finit sur le décor le plus large et le plus terrifiant, qui est le champ de bataille, c'est Thomas. Mauriac prend une région, les Landes. Il prend une maison landaise, entre dans cette maison, examine une famille, prend un personnage de cette famille et rentre à l'intérieur. C'est le procédé et le contraire. Et à partir du moment où Mauriac entre, et c'est là que Mauriac est un très grand romancier et très public, à partir du moment où il rentre à l'intérieur d'un personnage aussi explosif que Thérèse, eh bien ce personnage, il le fait exploser. Nous avons beaucoup parlé de Mauriac, je voudrais maintenant que nous parlions un petit peu de vous. Il y a une chose qui me frappe, d'abord, c'est l'extrême précision de votre scénario. J'ai lu pas mal de scénarios, depuis un scénario de Godard qui tient en 3 pages, jusqu'à certains scénarios assez précis, avec des indications de plan. Mais je crois que peu de réalisateurs vont aussi loin que vous dans le détail. Parce que le scénario, pour moi, c'est le film. Mmh. C'est le film. Le meilleur moment pour moi... Les meilleurs moments, ce sont les nuits que je passe à faire le découpage. Je fais des dessins et le film est prêt quand j'arrive sur un plateau. Et c'est très pratique. C'est très pratique parce que il y a toujours des imprévus, mais les imprévus, je les tourne avec une très grande facilité. Je pourrais évidemment aussi bien tourner sans scénario, c'est simple. Mais j'aurais très peur d'oublier des choses auxquelles j'ai pensé avant. On ne peut pas se fier au hasard. Et quand vous dites, je n'y crois pas. Vous faites des dessins. Toujours. D'accord. Qui ah, oui, toujours. Oui. Pour la place des gens. Pour le décor. Pour le décor. C'est-à-dire que je cherche le décor compte tenu des croquis que j'ai faits. Ah, oui. Ce qui est le contraire au fond de la méthode documentariste. Mais alors, par exemple, il y a un croquis que vous n'avez pas besoin de faire, car c'est vraiment la signature de Franju, comme un corbeau dans un tableau de Van Gogh, c'est votre ciel d'orage. C'est une espèce d'obsession qui remonte d'où? Oh non, ça toujours. Parce que je suis breton. Oui. J'ai toujours été très attiré par tout ce qui était fantomatique. C'est pour ça que je ne suis pas croyant. Mmh. Parce que je crois aux fantômes, je ne crois pas en Dieu. Oui. Tout est plus amusant, un fantôme. Qu'est-ce qu'on peut faire de Dieu? Je vous le demande. On dit toujours, c'est très amusant, on dit, oui, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois aux prêtres. Éventuellement, on peut tomber sur un prêtre honnête, mais Dieu... En tout cas, les prêtres, on les voit dans vos films, ils en passent beaucoup. Ah oui. Ce sont des... c'est l'univers de la Bretagne. Ce sont les corbeaux de Van Gogh. C'est ça. On voit passer une soutane noire sur un ciel d'orage, on peut dire que c'est un film de France. Mais il y en a rarement, il y en a de moins en moins, puis ils n'ont plus de soutane maintenant. Oui, c'est ça. C'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. Ah bon, on peut se tromper. Et cette enfance bretonne vous a beaucoup marqué? Oui, beaucoup. Beaucoup. La chose qui m'a le plus frappé quand j'étais petit, mes parents avaient une très très grande maison. Et ma mère, enfin, on avait un fermier. Et une nuit, on m'a laissé chez le fermier, je ne sais pas. Je crois que c'était au moment de la victoire. C'est-à-dire, j'entendais la main de l'ombre. Alors, les bonnes étaient parties, ma mère était partie, mon père était toujours parti. Et je suis resté seul avec cette fermière. Et le matin, très tôt, j'ai ouvert l'armoire à glace. Évidemment Louis XV, pour prendre quelque chose à moi, et j'ai vu un champignon dans l'armoire. C'est ma première vision. Je dois dire que cette vision était pour moi d'autant plus frappante que la maison, la propriété de mes parents, était presque en lisière de la forêt de fougères, qui est énorme. Et les champignons, j'en voyais toute la journée, mais je n'en avais jamais vu dans une armoire à glace. Et cette Bretagne, vous n'avez jamais eu envie de la mettre dans un beau film? Ben, c'est très compliqué, vous savez. Et puis alors, c'est très compliqué parce que si je colle un sujet en Bretagne, on va dire oui, c'est du pittoresque, c'est ça. C'est ça, ça aussi, je le redoute. Je suis toujours attiré par les sujets que je redoute. Mais alors, dans la mesure où il faut s'exprimer, alors il y a tout de même des choses que je crains. Je crains que ça paraisse trop facile. Et ça l'est, au fond. C'est très facile, vous savez, de faire de l'épouvante avec dans la forêt de Paimpont. Exactement. D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas une question géographique. La Bretagne, vous la portez en vous et vous la retrouvez sous tous les cieux. Oui. Mais Votre Bretagne, c'est une Bretagne terrienne, j'ai l'impression. Ah oui, c'est la Bretagne. Non, c'est pas. La Bretagne bretonnante, C'est les petits brins, elles ne sont pas les grands blancs. Ouais, c'est ça. Donc, cette première signature, ce sont vos cieux d'orage. Ensuite, il y a donc une autre chose qui me frappe dans votre film. C'est donc les détails très précis. Et par exemple, je remarque souvent, dans certaines séquences, vous indiquez par exemple, Thérèse arrive à droite un tel est à sa gauche. Oui. Est-ce que pour vous, c'est parce que vous les voyez? Ah, je les vois comme ça. C'est très pratique parce que si, par exemple, je m'attends à avoir une porte ici, nous avons une porte à droite. Mais si j'indique que vous sortez de gauche à droite et que la porte se trouve à gauche, eh bien j'indiquerai uniquement, je renverse tout et vous sortez de droite à gauche. Oui, c'est ça. C'est tout de suite fait. Oui. Ça ne sert qu'à ça. Non, ce qui, je crois, la chose, je crois qu'on me la doit, c'est que je n'ai tout ce que j'ai fait dans les courts-métrages, toujours il y a une fenêtre. Toujours il y a une fenêtre sur l'extérieur. Toujours. Dans tous mes films, et ça a commencé avec Le sang des bêtes, après. Vous savez que quand j'ai montré Le sang des bêtes, des critiques très averties ont dit, au moment où on rentre dans les échaudoirs, c'est là que le film commence. C'est effrayant d'entendre ça. Le film, pour moi, commence sur le terrain vague de la porte devant. Il ne commence pas les échaudoirs, parce que les échaudoirs, quoi, c'est le document. Mais je ne fais pas des documentaires pour faire des documents. Tout le monde peut faire des documents. Et vous avez... par exemple, parfois, vous précisez bien les décors. Il y a un arbre qui joue un rôle. Est-ce que vous n'avez pas été repéré avant d'écrire ce scénario? Ah, toujours. Si, tout de même. Donc, c'était des souvenirs d'images. Sauf pour Thomas, j'ai écrit le scénario en lisant les vieilles revues de 1914, notamment Le Miroir. Oui. Mais on retrouve... Vous avez une ruine, c'est une ruine. Il suffit d'en trouver. Or, on a trouvé de très belles ruines dans les îlots en démolition. On fout le feu là-dedans. Rien ne ressemble à une ruine comme une autre ruine. Alors que construire un décor de ruine en studio, c'est ruineux. Est-ce que pour Thérèse, vous avez reconstruit les maisons ou est-ce que vous en avez choisi une? Ah non, non, on a tout tourné en décor naturel. Il n'y a pas eu même le plus petit raccord en studio. Il y a tout de même une autre vibration dans l'air. Ah oui, c'est pas possible, on ne peut pas faire une guerre. Et c'est ça qui fait tout de même un peu démodé dans le cinéma qui a précédé cette guerre, c'est sacré décor en studio, ça fait tout de même une drôle d'impression. Mais enfin, c'était comme ça, c'était la mode. D'ailleurs, c'était très bien, parce qu'à ce moment-là, le cinéma marchait très bien. Maintenant, ça, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile, surtout quand on tient compte de cette notion que... Rob Grier a bien tort, d'ailleurs, de vouloir confondre les temps, alors que les temps se confondent d'elles-mêmes dans le cinéma, toute image, l'image étant une projection est vue naturellement au temps présent. Et si on voit par exemple une actualité hitlérienne, c'est pour ça d'ailleurs l'effet que me font maintenant, quand je vois la gueule d'Hitler, j'ai peur. À l'époque, je n'avais pas peur. Quand je vois la gueule d'Hitler, c'est donc le public, le spectateur ramène tout au temps présent. Parce que si on pouvait situer Hitler dans son époque, on n'aurait pas peur. C'est une réaction, évidemment, mais enfin, c'est tout de même étrange comme phénomène. Dès que l'enchaînait, d'ailleurs les classiques du cinéma le savaient bien, quand on voulait qu'elle soit située dans le passé, il y avait un enchaîné. Et alors là, on vous disait, attention, vous rêvez, alors c'était flou. Mais dès que le flou était passé, hop, on revenait au temps présent. La tendance du public, c'est de tout ramener au temps présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que les films se raccrochent à la mode. Il n'y a rien de plus redoutable. Ils sont démodés en même temps que la mode qui passe. Faites la liste. Vous savez, j'ai créé la Cinémathèque française avec Langlois, alors je sais bien, on ne peut pas savoir comment et pourquoi un film tient. En tous les cas, on peut constater pourquoi des films ont tenu. Et jamais un film dit à la mode n'a tenu. Il n'y a pas de cas dans l'histoire du cinéma. Alors qu'au théâtre, et c'est très curieux, si vous avez par exemple des personnages qui vous interprètent une pièce, par exemple Sophocle, bon, vous êtes à cette époque-là. Vous êtes dans l'Antiquité. Vous y croyez. Alors que les personnages sont vivants. Ils sont là. Ils sont en chair et en os. C'est très incroyable. C'est absolument impossible au cinéma de se reporter à l'époque. On ne peut pas. Le cinéma est autant présent. Et d'autre part, et ça c'est un problème qui n'intéresse peut-être pas les gens du nouveau roman qui sont venus au cinéma, mais il faut bien se dire une chose, c'est que le cinéma n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire d'espace. Oui, la France est un pays, d'ailleurs, qui a vécu dans l'espace par ses conquêtes et qui a vécu après dans le temps par sa littérature, et c'est encore le contraire de l'Amérique, qui n'ayant jamais vécu dans le temps, vit dans l'espace avec un singulier acharnement. Le Vietnam nous le prouve. Mais oui, et c'est parce que l'Amérique n'a pas de littérature. C'est très curieux. Et c'est pour ça que le cinéma américain est un cinéma admirable, c'est parce qu'il vit dans l'espace. Il n'y a pas d'autres problèmes au cinéma américain. Alors, vous savez, les petits problèmes du nouveau roman et du cinéma nouveau, axé sur le nouveau roman, ça fait plutôt rigoler. Est-ce que vous me dites, me fait penser justement à un roman policier que j'ai lu l'autre jour. Je me disais, tiens, c'est la première fois que je lis un roman policier qui serait le Proust du roman policier. C'est un livre qui s'appelle Un nommé Louis Beretti. C'est un vieux roman. Oui, c'est le contraire du roman policier qu'on peut mener au cinéma, puisque tout se joue dans le temps. Ça a été publié tout de suite à la Libération. Ouais. Ouais. Et c'est la vie d'un gangster. Alors, je me suis dit, tout le long, voilà ce que le cinéma ne pourra jamais faire. Bien sûr. Ça commence le jour de sa naissance, et c'est impossible de faire ça. Donc, alors qu'une histoire de gangster qui se passe dans quelques jours dans l'espace. Ah, c'est ça. Il y a une autre question que je vais vous poser, c'est votre fidélité à Mauriac. J'étais frappé, je ne me souvenais plus des détails. C'est pas du tout fidèle à Mauriac. Non, c'est vrai d'ailleurs. C'est ça qui est très drôle. Vous ne lui êtes pas fidèle du tout, et c'était pas votre propos. Je suis d'une apparente fidèle. Voilà, c'est ça. Par exemple, il y a une chose qui me frappe, la dernière scène. Quand je lis le scénario, je vois, elle passe devant Old England. Et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il a mis ça? Est-ce que c'est il a repéré ça? Parce qu'il y a des glaces, c'est mon côté réaliste. Mais non, mais c'est dans le roman. Oui, bien sûr. Oui, donc vous avez été retrouvé à l'endroit précis. Mais pourquoi pas? Écoutez, il y a très peu de boutiques à Paris où il y a des glaces aussi belles qu'Old England. Pourquoi je ne prendrais pas les glaces de François Mauriac? Écoutez, je n'irai pas quand même jusque-là. Je ne veux pas être infidèle pour être infidèle. Oui, mais enfin, donc là, c'était plutôt parce que vous avez... Mais parce que c'est pratique. Ça se terminait au Café de la Paix. Le Café de la Paix pour l'étranger. Mmh. En plus, que tout de même, ce film était destiné à l'étranger. Le Café de la Paix est un très beau café. Il y a l'opéra à côté. Et à côté du Café de la Paix, c'est très pratique. Tout ça se trouve groupé. Il y a les grandes glaces de Old England. C'est merveilleux. Je ne vois pas pourquoi j'aurais été me balader ailleurs, histoire de ne pas utiliser les glaces de François. Mais je crois que d'une manière générale, vos rapports étaient difficiles avec Claude et François Mauriac. Pas du tout, non, très très facile. Non, très facile. Non, je fais ce que j'ai voulu. Non. Il n'y a qu'une chose que François Mauriac m'a demandé d'enlever du film, c'est un poème. Je voulais trouver dans l'œuvre de François Mauriac un poème que je voulais caler sur le moment où les deux adolescentes sont à la Palombière, Edith ayant la tête sur l'épaule d'Emmanuel. Un poème qui aurait été le commentaire lyrique de cette attitude et aurait expliqué sans le montrer évidemment le comportement des deux filles. Et j'avais dit à Claude Mauriac, je voudrais que tu me prêtes les poèmes de ton père. Et il m'avait dit, oui, je vais te prêter les poèmes de mon père, mais ne lis pas Orage, c'est trop charnel. Bon, je lis... Pourtant, bien sûr, penser, c'est ce qui m'a attiré d'abord. Alors j'ai lu les poèmes de François Mauriac, que je n'aime pas, et je lis dans Orage, précisément, deux poèmes. L'un qui s'appelle le petit chien sombre et l'autre les deux fleurs. Je revois Claude à dîner et je lui dis, si j'aime pas les poèmes de ton père, mais il y a un merveilleux poème et qui colle sur Thérèse admirablement, c'est les deux fleuves. Et Marie-Claude Mauriac dit, ah, c'est le plus beau poème de ton père. Vous voyez le culot, hein? Bon, d'abord ne prends pas Orage, c'est trop charnel. Mais je crois qu'au fond il était ravi, c'est un petit peu provoquant. Son père est pire d'ailleurs. Et alors j'ai pris ce poème et je l'ai placé sur la séquence Palombière. Et quand François Mauriac a vu le film, il m'a dit, il était très content, vraiment très heureux. Je crois qu'il était très heureux. Puis au fond, c'est vrai, c'est sa Thérèse. J'ai déplacé des termes, j'en ai fait un film profane. Alors que, comme il disait, ça n'est pas un roman chrétien, mais c'est un roman écrit par un chrétien. Ce qui est d'une subtilité qui n'atteint pas le public du tout. Et quand il a vu le film, il a dit, bon, c'est ma Thérèse. Et puis il a dit, Emmanuel, cette chose adorable, d'ailleurs, oh, je suis dépossédé. Et alors il a ajouté, mais ce poème, alors j'ai dit, mais il est de vous. Il a rougi. Il dit, comment il est de moi? Je dis, oui, il est de vous. Et alors Claude dit, mais vous savez bien qu'il est de vous. son père. Alors, Mauriac a cette réflexion de défense. Il dit, oui, mais c'est un jeune homme qui parle à une jeune fille. Ah, c'est pas du tout. Pas du tout. Alors, Claude dit, non, c'est une fille qui parle. Alors, Mauriac m'a dit, écoutez, à cause de mes attaches catholiques, je vous demande de ne pas mettre ce poème sur le film. D'ailleurs, il n'est pas dans le roman. Et ça, c'était vrai. Il n'était pas dans le roman. Alors, je peux déplacer tous les termes du roman. Il ne dira rien, car c'est dans le roman. Bon, c'est là qu'est mon infidélité, ou mon apparence de fidélité, dans le roman, avec les éléments de Mauriac. On retrouve tous les éléments de Mauriac, mais ils ne sont pas toujours à la même place. Mais là, effectivement, le poème n'étant pas dans le roman, je ne l'ai pas. Vous ne vous souvenez pas des pas premiers vers. Non, si. C'est très beau. Attendez. Tu te souviens, mon endormi, de ces caresses retenues ? Si jamais tu ne fus point de moins nu, j'étais plus sage qu'une amie. Jusqu'à l'extrême bord nous fûmes de la volupté défendue, et nos mains, mouettes, perdues, ne rasaient pas la mer écume. Nuit que je voulais éternelle, où sans sommeil et sans parole, nous fûmes, tête contre épaule, deux fleuves de sang parallèles. Ah, c'est un miracle. C'est beau, hein. Ah oui, c'est très élevé, hein. Très beau. C'est une grande allure. Alors, j'étais tellement content de foutre ce poème sur le tout. Rien eu à faire. Il n'a pas voulu. Mais il était tellement gentil, tellement très, très, très, très droit. En fait. Mais les rapports entre les deux femmes, les deux jeunes filles, telles que vous les avez décrites, Mauriac l'admet. Enfin, il admet. Mais ben, c'est bien. Oh, oui, c'est sous-entendu dans le livre. C'est très. Oui, c'est même entendu. C'est entendu. Oui. Mais c'est ça qui est, très, moi, je trouve très joli chez Mauriac, cette espèce d'aveu de son. C'est pas un vieillard, Mauriac, c'est un vieil adolescent. C'est vrai. Et un autre aspect, une autre question que j'aimerais vous poser, Georges Franju, je me souviens qu'il y a plusieurs allusions à la musique dans votre scénario. Ah oui, ah ça, la musique, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup et je dois dire, j'étais très content que ce soit fait par Jacques. Alors, vraiment, d'une fidélité et je ne crois pas du tout à l'inspiration, mais je crois tout de même à cette espèce de génie qu'a Maurice Jarre, qui a été élevé par la scène, par la musique de scène. Et j'aime beaucoup le piano. Et je pensais que le piano est un instrument provincial et qu'il est beau, surtout quand il est entendu de l'extérieur. Alors je reviens à mes champignons. Mmh. C'est-à-dire que si on entend du piano dans une salle de concert, on sait du piano. Et alors ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on joue. Par contre, si on se trouve dans la rue et qu'on entend le piano jouer dans une maison, je trouve que ce qui est le plus beau sont les gammes. C'est-à-dire une musique non composée. À partir de ce moment-là, le piano devient un son poétique, beaucoup plus qu'une musique. Et j'ai demandé à Jarre de faire surnager toujours le piano dans son orchestration, qui pourtant est importante. Et ça a été difficile à obtenir, surtout des gens du mixage. Je trouvais qu'il n'y avait pas de raison qu'on entende le piano qui passait par-dessus les instruments. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Et alors ce piano est entendu notamment pendant la scène de la séquestration de Thérèse, assez fort, quand on est en extérieur, et notamment quand on est axé sur la rivière, et dès qu'on entre à l'intérieur, le piano étant un instrument d'intérieur, dès que Thérèse ferme la fenêtre, on ne l'entend presque plus. Et on a une impression beaucoup plus forte, évidemment, de la solitude de Thérèse. Je crois quand même c'est intéressant de voir votre fidélité à Maurice Jarre, parce que vous avez été au fond le premier à... C'est lui qui est infidèle. C'est lui, avant. Oui, il fait des conneries en Amérique, enfin, c'est Oscar qui veut ça. Oui, ça depuis qu'il fait du cinéma avec les Américains, c'est triste. Mais il a débuté avec vous, et c'est vous qui le premier lui avait demandé. Ah, oui, c'est moi qui l'ai... Enfin, je lui ai fait faire son premier court-métrage qui était Hôtel des Invalides, et son premier long-métrage qui était La tête contre les murs. J'ai eu ce mérite... Enfin, j'ai eu que ce mérite, d'ailleurs, c'est d'avoir fait Maurice Jarre comme musicien. Je n'ai pas fait, mais enfin, je l'ai fait connaître comme musicien et Charles Aznavour comme comédien dramatique. Nous allons donc commencer la lecture du scénario de Franju, scénario qui est d'une extrême précision. Tous les mouvements de caméra sont indiqués, les plans généraux, gros plans, contre-plongées, panoramiques, travelling. Je pense que ces indications intéresseront les amateurs de ciné-club qui nous écoutent. Ceux qui sont moins familiarisés avec les termes de cinéma, je pense, comprendront néanmoins le sens de ces expressions. Ils comprennent ce qu'est une contre-plongée ou un panoramique, c'est-à-dire un mouvement de la caméra de haut en bas, par exemple, comme pour le premier plan. Et lorsque la nécessité s'en fera sentir, nous donnerons des explications supplémentaires. Ciel, place de Bazas, extérieur soir, plan général contre-plongée. Le ciel au crépuscule, un ciel d'orage, lourd, menaçant, un ciel d'automne. Panneau de haut en bas découvrant un petit escalier de pierre, en arrière-plan le fronton d'un édifice public. Un homme entre dans le champ de dos et par la gauche. Il monte l'escalier, relève le col de son pardessus, arrive sur la chaussée supérieure, fait quelques pas latéraux derrière les lourdes chaînes qui entourent la place, regarde l'heure à son bracelet-montre. Puis il allume une cigarette et, se recadrant de dos, à droite du champ, s'immobilise. L'homme fixe l'édifice public à gauche du cadre. Les lumières de la ville sont allumées. Poser éventuellement un réverbère en haut de l'escalier de pierre. Enchaîné, palais de justice, extérieur soir, plan rapproché, contre-plongée. Le fronton de l'édifice public, axe droite-gauche, on y lit palais de justice, le son indique les pas d'un homme et d'une femme sur le pavé, légèrement réverbéré. Donc le travelling latéral, droite-gauche, découvrant la voûte du palais de justice, un homme et une femme longeant le mur de droite viennent vers l'appareil. L'homme, l'avocat Duros, précède la femme, Thérèse d'Esquerou. Ils sortent d'une zone d'ombre. Visiblement, Thérèse hésite à sortir comme si elle craignait d'être attendue. Elle s'arrête un peu en retrait et à gauche du cadre. L'avocat qui était à droite de Thérèse vient à gauche et s'arrête de face en plan américain. Il jette un regard circulaire dehors vers la gauche sur la place hors champ. Plan général légère plongée, la place de Bazas déserte, panneau lent de droite à gauche, on entend la voix de l'avocat. Il n'y a personne, vous pouvez sortir. Filage droite-gauche, cadran sur la droite, l'homme qui attend. L'homme n'a pas bougé, il regarde vers la gauche, voix de l'avocat. Votre père est là. L'avocat regarde vers la droite. Monsieur Larocque, hors champ. Il lui crie d'une voix étouffée mais qui porte « Non-lieu !» Rapidement, sans plus se soucier de Thérèse, l'avocat sort du champ de face et par la droite. Thérèse vient en plan très rapproché. Elle sent sur son front la brume de novembre et, comme un être menacé d'étouffement, profondément l'aspire. Puis, elle regarde son père hors champ, se serre dans son manteau, elle tient un sac à la main, baisse un peu la tête et, comme à regret, suivant à distance l'avocat, sort du champ à son tour. Nous sommes sur la route, entre les forêts de pins. C'est l'extérieur nuit, plan général contre-plongée. Travelling avant sur voiture sans amorce. Les phares de la voiture éclairent la route mystérieuse, les talus des franges de hautes fougères, la base des premiers pins. Panneau découvrant en haut de la muraille sombre de deux forêts parallèles la cime des pins géants, une brèche de ciel clair. Intérieur nuit, dans la voiture, plan très rapproché. Thérèse, libre Thérèse, mesure son épuisement, joue creuse, pommette saillante, et ce large front magnifique compose une figure de condamnée. La voix intérieure de Thérèse. Libre. Quelles seront les premières paroles de Bernard dont le témoignage m'a sauvée et qui m'attend? Bernard saura tout, je lui dirai. La voix du récitant. Que lui dirait-elle? Par quel aveu commencer? Comment font-ils tous ceux qui connaissent leur crime? Lent travelling avant sur le visage de Thérèse, on bloquera, en fin de réplique, en très gros plan sur ses yeux de visionnaire effrayé. Moi, je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi. Soudain, on entend une sonnerie d'alarme. Thérèse regarde droit devant elle la route hors champ. Travelling avant, l'appareil dans la voiture. À gauche, l'amorce du volant. À travers le pare-brise, on découvre la route. On distingue la barrière d'un passage à niveau à guillotine que l'on ferme au fanal qui décrit sa courbe lumineuse dans la nuit. La voiture stoppe. L'appareil est toujours dans la voiture. Panneau suivant Thérèse qui, en gros plan, pose son front sur la vitre de la portière et regarde vers l'extérieur. On découvre dans l'encadrement de la vitre l'amorce de la masse noire des pins. Thérèse, avec nostalgie, murmure « Anne ». Thérèse, de trois quarts d'eau, à droite du cadre. Elle regarde la forêt sinistre. On entend toujours la sonnerie d'alarme du passage à niveau. Soudain, au sombre paysage, se substitue un bois ensoleillé, un sentier. Une jeune fille, Anne de la Trave, débouche de ce sentier à bicyclette. Appelée par Thérèse, Anne se dirige vers elle, le visage en feu. La musique se substitue au son. Anne met un pied à terre et sourit à Thérèse qui sourit à la jeune fille. La musique a un départ tenu, lyrique, réverbéré dans le même ton que la sonnerie. Le récitant. Thérèse remontera-t-elle jusqu'à son adolescence ? Travelling avant sur Anne, les amorces sont sorties du champ. Anne, radieuse, tenant sa bicyclette de la main gauche, se dirige vers la droite de l'appareil, vers Thérèse, hors champ. Voix de Thérèse, c'est d'elle qu'il faudra d'abord entretenir Bernard. Plan moyen, Thérèse adolescente, elle saute d'un tronc d'arbre étendu en bord de la route, comme si elle descendait de voiture. Heureuse et rieuse dans le soleil ardent, elle vient vers Anne qui entre dans le champ de dos et par la gauche. Voix de Thérèse. Oui, il faudra tout reprendre depuis le commencement. Mais où est le commencement de nos actes? Les deux amies s'embrassent. Suivies en panneau, elles se dirigent vers la route. Plan d'ensemble sur la route qui descend légèrement. Les deux jeunes filles montent à bicyclette. Anne conduit, Thérèse s'installe derrière en Amazone. Elle roule. Le grelot de la bicyclette teinte. Travelling arrière précédant Anne et Thérèse qui visiblement s'amusent. Elles sont de face, Anne est en avant-plan. Entraînée par la descente, elle ne pédale pas. Voix du récitant. Petite sœur Anne, chère innocente, quelle place vous occupez dans cette histoire? Les êtres les plus purs ignorent à quoi ils sont mêlés chaque jour, chaque nuit, et ce qui germe d'empoisonné sous leurs pas d'enfant. La bicyclette dépasse le travelling et sort du champ de face, panneau recadrant Thérèse et Anne qui de dos descendent la côte à vive allure. Récitant. Argelouse est réellement une extrémité de la terre. Un de ces lieux au-delà desquels il est impossible d'avancer, ce qu'on appelle ici un quartier. Au-delà d'Argelouse et jusqu'à l'océan, il n'y a plus rien que 80 kilomètres de marécages, de lagunes, de pins grêles, de landes. Les Larocs et les Desquerous ont laissé leur logis d'Argelouse tel qu'ils les reçurent des ascendants. Bernard Desquerous avait hérité de son père une maison voisine de celle des Larocs. Tout le pays mariait Thérèse Larocque à Bernard parce que leur propriété semblait faite pour se confondre. Dès les vacances, Thérèse passait ici de longues journées sous la garde d'une vieille demoiselle sourde, tante Clara. Un champ de seigle, de pleine face le soleil se couche. Anne, tenant sa carabine sous le bras, entre dans le cadre et s'enfonce dans les seigles. Thérèse, debout sur un talus en lisière du champ, regarde dans la direction d'Anne, hors cadre, avec une certaine dureté. Anne, de face, marche dans les seigles. Soudain, elle s'immobilise. Elle fixe d'un regard aigu un point hors champ, très près du bord du pare-soleil. Elle fait le geste d'épaulé. Récitant. Thérèse haïssait ce jeu auquel Anne se livrait avec innocence et bonheur. Mais elle restait insatiable de sa présence. Au lycée, ses maîtresses disaient d'elle « Sa conscience est son unique et suffisante lumière. » Thérèse s'allonge sur le talus. Son regard est à la fois pur et ardent. Elle songe. Étais-je si heureuse? Étais-je si candide? Tout ce qui précède mon mariage prend dans mon souvenir cet aspect de pureté. Pure je l'étais, un ange, oui, mais un ange plein de passion. Un coup de feu claque, Thérèse sursaute, un autre coup de feu, Thérèse se bouche les oreilles, elle regarde en direction d'Anne hors champ. Anne, de dos, paraissant viser le soleil, tire sur un vol d'alouette. Nouveau coup de feu. Anne, de face, elle tire très près du pare-soleil. Deux détonations partent encore de la carabine à répétition qui a du recul. L'épaule secouée par la crosse, Anne tire avec une précision, un calme meurtrier et inconscient. Anne cesse son tir et, de face, sort du champ en courant. On la voit de dos, elle entre dans le champ en courant, elle se baisse, ramasse une alouette blessée. Voix de Thérèse. Pour être aussi pure que Anne, élevée au couvent, je n'avais pas besoin de tous ces rubans, de toutes ces rengaines. Anne revient vers l'appareil, la carabine en bandoulière, elle tient l'oiseau dans ses mains précautionneuses. Cadrée en gros plan, Anne caresse de ses lèvres les plumes de l'oiseau, cependant que d'une main légère et précise, elle l'étouffe. Voix de Thérèse. Encore la pureté d'Anne était-elle surtout faite d'ignorance. Les dames du Sacré-Cœur interposaient mille voiles entre le réel et leur petite fille. Après ces premières scènes, il y a toutes les scènes du mariage de Thérèse et de Bernard. Ces scènes sont des scènes d'un plus grand réalisme. Il y a la peinture de cette bourgeoisie provinciale. Je crois que l'on pourrait... passer ces scènes pour revenir à Thérèse dans la voiture, car c'est toujours dans cette voiture qui la ramène à la sortie du palais de justice où il y a tous ces flashbacks sur son mariage. Ma nuit de noces, ce fut horrible. Mais non, pas si horrible. Comme devant un paysage enseveli par la nuit, nous nous représentons ce qu'il eût été dans le soleil. Ainsi je découvrais l'amour. Et je faisais la morte, comme si ce fou, cet épileptique, au moindre geste, eût risqué de m'étrangler. Je crois que nous pouvons maintenant passer au plan 83, c'est-à-dire le voyage de noces de Bernard et de Thérèse. Nous nous trouvons donc maintenant à Paris. Dans une chambre d'hôtel. Bernard. Celle-là, elle est bien bonne. Eh bien, ton amie Anne, elle va fort. Tu sais ce que m'apprend maman? Anne, elle s'est amourachée du fils Azevedo. Mais si, voyons, tu sais bien cette espèce de phtisique pour lequel il faisait des réparations en Villméja. Ça a l'air très sérieux. Tu as trois lettres d'elle, nous allons savoir. Thérèse. Je veux les lire dans l'ordre. D'ailleurs, je ne peux pas te les montrer. Bernard, je te reconnais bien là, tu compliques toujours tout. Maman écrit qu'elle est complètement folle. Pourvu que les deux Guilhem ne le sachent pas, le petit serait capable de ne pas faire sa demande. Elle dit qu'elle tiendra jusqu'à sa majorité. Enfin, l'essentiel, c'est que tu ramènes Anne à la raison. Mes parents comptent sur toi, tu peux tout sur elle. Si, si, tu le sais bien. Le plus urgent est de rentrer. J'envoie un télégramme et je fais retenir deux places dans le Sud Express. Mais voyons, quoi, tu le fais exprès? Qu'est-ce que tu attends pour lire ces lettres? Thérèse, que tu ne sois plus là. » Bernard, furieux, hausse les épaules et sort du champ. On entend Bernard qui claque la porte. En sortant de la chambre, on reste cadré sur la fenêtre ouverte. On sent qu'il règne en ce matin de juillet une chaleur sulfureuse. Travelling avant sur la découverte extérieure, sur les façades mortes, sur le balcon, au-delà du balcon. Thérèse, demeurée étendue, regarde fixement la fenêtre hors champ. Elle fume une cigarette. Et puis elle se décide à ouvrir la première enveloppe. Elle lit. C'est la voix d'Anne qu'on entend et qui parle sur un ton de confidence. Lorsque je l'ai rencontré, je ne pouvais croire que ce fût lui. Il jouait à courir avec le chien en poussant des cris. Je t'assure qu'il n'est pas malade, on prend seulement des précautions. Il n'est pas même frêle, mince plutôt. Tu ne me reconnaîtrais pas. C'est moi qui vais chercher sa veste dès que la chaleur tombe. Au cours de cette lecture, le visage de Thérèse s'est crispé, durci. Travelling arrière, recadrant Thérèse qui s'assied sur son lit. Elle pose sa cigarette à côté d'elle sur une table de chevet. Les doigts fébriles de Thérèse déchirent maladroitement la seconde enveloppe. Une photographie tombe sur le drap. Thérèse regarde cette photographie. Elle représente Jean Azevedo souriant dans un paysage ensoleillé. Sa chemise est un peu ouverte. Il tient sa veste jetée sur son épaule. Nous sommes dans la campagne d'Argelouse, à la Palombière. C'est l'extérieur jour. La photo qui montre Azevedo en plan américain s'anime. Panneau suivant Azevedo qui sourit se dirige vers Anne que nous découvrons. Anne, qui est devant la Palombière, court vers Azevedo. Azevedo laisse tomber sa veste sur le sol et deux jeunes gens s'embrassent. Sous ces images de bonheur, on entend la voix d'Anne à Thérèse. « Tu te rappelles la Palombière ? C'est toi, ma chérie, qui as choisi d'avance les lieux où je devais connaître une telle joie. Chérie, pardonne-moi. Je te parle de ce bonheur comme si tu ne le connaissais pas. » Thérèse, qui lisait la lettre d'Anne, tient également dans sa main la photographie. Ses traits sont tirés, ses yeux brûlants ont quelque chose d'impitoyable. On entend encore un mot d'Anne. Pourtant, Thérèse de ses deux mains froisse la lettre. Immédiatement, la voix d'Anne est coupée. Thérèse regarde droit devant elle, presque dans l'objectif. Voix du récitant. Si Bernard était rentré à cette minute, il se fût aperçu que cette femme n'était pas sa femme, mais un être inconnu de lui, une créature étrangère et sans nom. Thérèse prend la troisième enveloppe. Elle l'ouvre, on entend alors la voix angoissée, haletante, désespérée d'Anne. « Viens, ma chérie, nous ont séparés. On me garde à vue. Ils croient que tu te rangeras de leur côté. Mais je suis bien sûre que tu seras avec nous contre ceux qui nous font du mal. Viens vite !» Thérèse se lève avec effort. Elle enfouit les lettres et la photo dans une poche de sa robe de chambre, prend dans le cendrier sa cigarette presque éteinte, la ranime et, la tenant entre ses doigts, se dirige vers la salle de bain. Voix de Thérèse. Elle connaît cette joie. Et moi, alors ? Moi ? Bernard emmène Thérèse déjeuner au Précatelan. Et voici leur dialogue et le monologue de Thérèse. Tout de suite après les premières lampées, il devint trop rouge. Beau garçon campagnard auquel manquait seulement depuis des semaines que durait notre voyage de noces, l'espace où brûler sa ration quotidienne de nourriture et d'alcool. Je ne le haïssais pas, mais quel désir d'être seul. Bernard, qu'est-ce que tu as? Tu ne manges pas? Il ne faut pas leur en laisser, au prix que ça coûte, ce serait dommage. C'est la chaleur? Tu ne vas pas tourner de l'œil? Oh, ce soleil, à la ville, c'est vraiment insupportable. Thérèse, je songeais à la petite Anne. Bernard, c'est drôle, mais je n'y pensais même plus. Du moment que tu as pris l'affaire en main. Thérèse, et je me demandais pourquoi, au fond, tes parents étaient hostiles à ce mariage. Les Azevedo valent bien les deux Guilhem. Bernard, tu sais bien qu'ils sont juifs. Maman a connu le grand-père Azevedo, celui qui avait refusé le baptême. Thérèse, non, tu vois, plus j'y pense, moins je comprends, même en me plaçant à votre point de vue. Car en fait, tu le sais bien, il n'y a rien de plus ancien à Bordeaux que ces familles juives d'origine portugaise. Les Azevedo tenaient déjà le haut du pavé lorsque nos ancêtres bergers misérables grelottaient de fièvre au bord de leur marécage. Bernard, voyons Thérèse. Ne discute pas pour le plaisir de... Tous les Juifs se valent. Et puis, c'est une famille de dégénérés. Thérèse, rappelle-toi donc de quoi est mort ton grand-père. Et tante Clara, tu l'as un peu regardée, tante Clara? Bernard, tu vas trop loin, Thérèse. Permets-moi de te le dire. Même en plaisantant, tu ne dois pas toucher à la famille. Thérèse, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sait pas, leur est bien égal à nos familles. Elles s'entendent si bien pourtant recouvrir, à ensevelir leurs ordures. Sans les domestiques, on ne saurait jamais rien. Heureusement, il y a des domestiques. Bernard, je ne te répondrai pas. Quand tu te lances, le mieux est d'attendre que ce soit fini. Mais à la maison, tu sais, ça ne prendrait pas. Nous ne plaisantons pas sur le chapitre de la famille. Voyons, Thérèse, ne fais pas cette figure. Si tu le voyais. Thérèse, je m'amusais. Que tu es ridicule, mon chéri. Une jeune femme très élégamment vêtue, en robe légère, très décolletée et très maquillée, passe et repasse. Bernard regarde la femme hors champ. Il est outré. Il dit à Thérèse, « Dire que les étrangers voient ça. Quelle honte! Et c'est là-dessus qu'on nous juge. » Voix de Thérèse. J'admirais que cet homme pudique fût le même dont il me faudrait subir encore les patientes inventions de l'ombre. Et nous nous retrouvons dans une chambre de leur hôtel au Palais Royal, la nuit, sans coucher. Thérèse a le coude sur l'oreiller. Elle regarde dormir avec une sorte d'aversion et de crainte cet étranger qui est son mari. L'écarter une fois pour toutes. Le précipiter hors de mon lit, hors de ma vie. Thérèse pense à Anne, cette petite idiote qui croyait le bonheur possible. Il fallait qu'elle sût comme moi que le bonheur n'existe pas. Si nous ne possédions rien d'autre en commun, que nous ayons au moins cela, la solitude, et surtout, surtout pas l'amour. Thérèse va sur le balcon. Elle déchire les lettres d'Anne en menus morceaux. Penchée au dehors, elle jette les fragments de papier qui se dispersent. Elle regarde tomber les papiers qui tourbillonnent dans l'air. Pas l'amour pour Anne. Pas l'amour. Nous sommes dans la maison de la Trave à Saint-Clair. Thérèse, maintenant, attend un enfant. Anne vient la rejoindre. Thérèse, où es-tu? Thérèse, ici, sur le banc. Ah oui, j'aperçois ta cigarette. Embrasse-moi, Thérèse. Thérèse, tu es malheureuse, ma chérie. Anne, non, pas ce soir. J'ai compris que d'une façon ou d'une autre, je le rejoindrai. L'essentiel est qu'il le sache, et il va le savoir par toi. Je suis décidée à ce voyage, mais au retour, je retrouverai Jean. Il m'a dit, je n'ai que vous dans ma vie, et une autre fois, notre amour est la seule chose à quoi je tienne en ce moment. Thérèse. En ce moment? Anne. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il ne parlait que de la minute présente? Voix intérieure de Thérèse. Je n'avais plus besoin de lui demander si elle était malheureuse. Je l'entendais souffrir dans l'ombre. Pourquoi aurais-je eu pitié? qu'il devait être doux d'aimer, d'être aimé. Anne, tu pleures, Thérèse? C'est à cause de moi que tu pleures? Tu m'aimes, toi? J'ai senti sous ma tête. Thérèse, oui, depuis quelques jours, il bouge. Anne, le petit. Thérèse, le petit. Il est vivant déjà. Suite une scène entre monsieur et madame de Latrave qui s'inquiète des douleurs de Bernard qui est malade. À ce moment-là, il n'est pas question encore de quoi que ce soit. Ce sont vraiment des malaises naturels, si l'on peut dire. Thérèse et Bernard dorment. Soudain, Bernard pousse un gémissement, et puis un râle qui réveille Thérèse en sursaut. Bernard aussi se réveille, il suffoque. Thérèse allume, près de son lit, sa lampe de chevet. Bernard s'est adossé sur son oreiller, Thérèse lui demande « Ça ne va pas, qu'est-ce que tu ressens ?» Bernard dit à Thérèse « Personne ne peut imaginer ce que j'éprouve. Là, tu sens, tu ne sens pas ces battements irréguliers ?» Thérèse, pourquoi ne vas-tu pas à Bordeaux consulter ? Bernard, non, tout de même, je n'en suis encore pas là. Le docteur Pédemé a dit que c'était nerveux. Thérèse, eh bien, puisque le docteur a dit que ce n'était rien. Bernard, il n'a pas dit que ce n'était rien, il a dit que c'était nerveux. Si ce n'était rien, il ne me donnerait pas du valérianate. Nous sommes dans la maison des Larocque. Il fait jour, c'est l'aube, il est 6 heures. Dans le brouillard, les chênes d'Argelouse apparaissent gigantesques, dénudées, fantastiques. On entend des coqs qui chantent. Les cloches de Saint-Clair dans le lointain sonnent. On entend la voix de Bernard, off. Les premiers passages, ça peut nous arriver d'un matin à l'autre. Bernard, par la fenêtre entrouverte, regarde le ciel. Il est habillé en paysan et porte un fusil en bandoulière. Le col de sa veste est relevé. Il dévore une cuisse de poulet qu'il tient à pleine main. Et il se dit à lui-même, il faut que Ballion s'occupe des appeaux. Il respire largement, on le sent heureux de vivre et en pleine force. Thérèse est au lit, elle a les yeux fermés. On entend Bernard hors champ qui dit, il est grand temps de leur crever les yeux à nos petites palombes. Thérèse ouvre les yeux, elle regarde dans la direction de Bernard. On entend devant la maison les deux chiens de Bernard qui grognent et se battent. Il leur crie « Allons, Diane, du calme, flambeau, allons, voyons, à l'oustaille !» Les animaux se calment, Bernard rit, puis il se redresse, met les mains sur ses hanches et sans se retourner demande à Thérèse « Tu penses au fils Azevedo ?» Thérèse « Et ton cœur ?» Bernard « Ne me parle pas de mon cœur, il suffit que tu m'en parles pour que je le sente de nouveau. » Évidemment, ça prouve que c'est nerveux. « Tu crois aussi que c'est nerveux ?» Thérèse, « On ne sait jamais. Ce n'est pas une raison parce que ton père est mort d'une angine de poitrine, surtout à ton âge. Évidemment, le cœur est la partie faible des Desqueroux. » Bernard, « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mon grand-père d'Esquerou est mort à près de 90 ans. Thérèse, que tu es drôle, Bernard, avec ta peur de la mort. N'éprouves-tu jamais, comme moi, le sentiment de ton inutilité? Non. Ne penses-tu pas que la vie des gens de notre espèce ressemble déjà terriblement à la mort? Bernard, tu m'assommes avec tes paradoxes. Ce n'est pas malin d'avoir de l'esprit. Il n'y a qu'à prendre systématiquement le contre-pied de tout ce qui... Mais tu as tort de te mettre en frais pour moi. Mieux vaut te réserver pour ton entrevue avec Azevedo. Tu sais qu'il doit quitter Villméja vers la mi-octobre. Bernard sort en claquant la porte. Nous voyons un ciel d'automne. Dans le ciel passe un vol de palombes. Nous sommes au mois d'octobre. Voix de Thérèse. Les premières palombes passaient. Ce jour-là, pourtant, après une très mauvaise nuit, Bernard était allé subitement à Bordeaux pour se faire examiner. Nous voyons Thérèse dans la forêt de pins. Elle marche lentement sur le chemin de sable bordé de hautes fougères qui mène à la palombière abandonnée. Voix de Thérèse. J'avais choisi d'aller à cette palombière abandonnée. Contrairement à mon habitude en ces temps de chasse, je n'avais pas pris la précaution d'éviter les bois, où il faut s'arrêter, siffler. Si un long sifflement répond au vôtre, on doit se tapir. C'est qu'un vol s'est abattu dans les chênes. On voit Thérèse encadrée de hautes fougères. Elle est accroupie, à l'affût, elle écoute la bouche légèrement entrouverte. Soudain, on entend une voix qui fredonne une chanson. Silencieusement, elle se lève, sort de sa cachette. Thérèse revient vers le bord du chemin, elle regarde vers la droite, un point hors champ. Nous sommes dans la palombière abandonnée. Près de là, sur le seuil de la palombière à moitié détruite, un jeune homme taille une écorce de pin en chantonnant. Thérèse se redresse, elle met son doigt sur sa bouche, faisant au jeune homme hors champ signe de se taire. Le jeune homme se tait, Thérèse va vers lui, sans bruit. Il la regarde venir, il est intrigué. Thérèse, fatiguée, s'assoit sur un banc de mauvaise planche à l'entrée de la cabane délabrée. Le jeune homme, Azevedo, reste debout. Le jeune homme a quelque chose de brûlant dans le regard. Ses manières sont à la fois libres et courtoises. Il a reconnu Thérèse. Il lui dit « Je suis content de vous connaître enfin. J'ai tant entendu parler de vous, madame. » Thérèse. « Moi aussi, monsieur, j'ai entendu parler de vous. Beaucoup trop. » Azevedo. « Anne, bien sûr, la petite Anne, votre belle-sœur. » Thérèse. « Oui, monsieur, Anne. Anne, ma sœur. » Savez-vous, monsieur, que vous avez porté le trouble dans une famille honorable? Ce mariage, vous l'imaginez bien, Azevedo, qui avait d'abord paru très étonné, éclate d'un rire juvénile qu'il réprime à cause des chasseurs. Alors vous croyez que je veux l'épouser? Que je brique cet honneur? Me marier, moi, à mon âge? Mais vous n'y pensez pas, madame. Thérèse. Elle y a pensé, elle. Elle y pense, figurez-vous. Et elle est malheureuse, et elle souffre à cause de vous. Azevedo. Elle souffre, la belle affaire. Je vous connais de réputation, madame. Je sais que l'on peut vous dire certaines choses, que vous ne ressemblez pas aux gens d'ici. Avant qu'elle ne s'embarque pour la plus lugubre des traversées à bord d'une vieille maison d'Argelouse, j'ai pourvu Anne de certaines illusions, de quoi la sauver du désespoir. Voix intérieure de Thérèse. J'aurais dû être crispée par la prétention de Jean Azevedo. Mais cette avidité d'un jeune animal, cet esprit en éveil, cela me paraissait si nouveau. Azevedo, je garderai d'Anne une image adorable, certes. Mais comment peut-on se fixer, madame? Me croire capable, moi, de souhaiter un tel mariage, de jeter l'ancre dans ce sable, ou de me charger d'une petite fille à Paris? Thérèse, à Paris? Azevedo, oui, je suis à l'École nationale d'administration, madame. Et j'achève une licence de philo en Sorbonne. On entend soudain une agitation qui indique que le vol de palombe est capturé. Azevedo et Thérèse écoutent ce bruit qui vient de derrière eux. Azevedo, le vol est pris. Assez cérémonieusement, il invite Thérèse à se lever et lui dit « Vous permettez, madame, que je vous raccompagne ?» Vous n'y voyez pas d'inconvénient, au moins. Thérèse, mais non, voyons, au contraire. Nous sommes dans le chemin de chasse des palombes. Azevedo et Thérèse. Azevedo, vous savez, moi ici, je m'ennuie. Je compte les jours qui me séparent de Paris. Avec vous, on peut causer, je le sens. Mais à qui, je vous le demande, pourrais-je parler à Villemeja, Argelouse ou Saint-Clair, de Tchekhov, par exemple? Je viens de relire toutes ces pièces. Vous aimez Tchekhov? Thérèse. Oui, beaucoup. La mouette, surtout la cerisée. Azevedo, je préfère peut-être encore les trois sœurs à la cerisée. Il me semble que les trois sœurs vont plus loin dans la description, l'évocation de ce que nous connaissons bien l'un et l'autre, madame, et vous sans doute bien mieux que moi, ce lent, ce sûr, cet inéluctable et horrible étouffement de la province. Moi, j'ai quitté Taganrog et je vis enfin à Moscou. Je veux dire que j'ai quitté Argelouze. Feu dans un champ, métairie. Panneau de gauche à droite sur un barrage de haute flamme formé par les tiges coupées du seigle qui brûle. Azevedo. En somme, ce qui se rapproche le plus de Tchekhov aujourd'hui, je vais vous faire sauter. Mais vous voilà arrivé. Thérèse. Déjà ? Vous êtes gentil d'avoir fait ce détour. Azevedo. Oh, je n'ai qu'à traverser ce champ pour atteindre Villméja. Thérèse. Et Anne, nous n'avons pas parlé d'Anne. Azevedo. Nous l'avons oubliée, la petite Anne. Que voulez-vous ? Nous ne sommes pas libres de choisir nos sujets de conversation. Si vous le voulez bien, nous nous reverrons et alors nous parlerons d'Anne. Thérèse. Quand vous voudrez, le plus tôt sera le mieux. Il faut décider quelque chose pour Anne, arrêter un plan de conduite. Azevedo. Eh bien, disons mercredi, même heure, même endroit. Thérèse, d'un léger mouvement de tête, acquiesce. Il se serre la main et se sépare. Voix de Thérèse. Jean Azevedo était le premier homme que je rencontrais pour qui comptait aussi la vie de l'esprit. Comme ce retour m'avait paru rapide. Au cours du dîner, Bernard nous apprend que le médecin lui a prescrit un traitement à base d'arsenic. Thérèse lui annonce qu'elle a rencontré Azevedo et qu'il ne désire pas épouser Anne. Azevedo et Thérèse se rencontrent de nouveau. Voix de Thérèse. Ai-je souvent revu Jean Azevedo ? Nous fîmes ensemble quelques promenades. Je n'isole que celle où nous rédigeâmes ensemble la lettre pour Anne. Le naïf garçon s'arrêtait à des formules qu'il croyait apaisantes et dont je sentais, sans lui en rien dire, toute l'horreur. Thérèse, après la lecture de la lettre, dit simplement « Bien ». Azevedo. Ouf, voilà une bonne chose de faite. On marche un peu ? Ils se promènent ensemble sur un autre chemin de sable. Thérèse, vous me disiez l'autre jour qu'il fallait d'abord être soi-même. Mais nous ne sommes que dans la mesure où nous nous créons. C'est du moins ce que l'on m'a appris en philo. Azevedo. C'est le mot de Pindare, repris par Nietzsche, cité par Dubos. Deviens qui tu es. Ici, vous êtes condamné au mensonge jusqu'à la mort. Quelques-uns résistent, d'où ces drames sur lesquels les familles font silence. Comme on dit ici, il faut faire le silence. Thérèse. Oui. Parfois, je me suis enquis de tel grand-oncle, de tel aïeul, dont les photographies ont été arrachées dans l'album de famille. Et je n'ai jamais recueilli de réponse, sauf une fois, cet aveu, il a disparu, on l'a fait disparaître. Après une journée de chasse, Bernard a rapporté des palombes qu'il jette sur la table devant Thérèse, puis après le dîner, il s'endort dans son fauteuil. On n'entend plus Bernard respirer. La bouche entrouverte, il semble privé de vie. Le regard de Thérèse, hautaine, tombe sur Bernard. Elle le juge. Puis elle se dirige lentement vers la fenêtre. On voit ce qu'elle voit, les chênes, le paysage d'Argelouse enveloppé par la nuit. Voix de Thérèse. Le silence d'Argelouse. Les gens qui ne connaissent pas cette lande perdue ne savent pas ce qu'est le silence. On voit la forêt très noire, la forêt de pins, les arbres droits, hauts, immobiles. Le silence nous cerne comme solidifié dans cette masse épaisse de forêt où rien ne vit. Tout à coup, elle voit une chose qui lui cause une très vive émotion. Le chien aboie, une ombre surgit et par le petit chemin d'accès vient vers la maison. Voix de Thérèse. Comment anéantir dans mon souvenir cette nuit d'octobre? C'est Anne qui court, trébuche, semble épuisée. Le chien gémit. Anne ouvre la porte de la cuisine et entre. Thérèse guette la porte qui communique avec la cuisine. Cette porte est fermée. La voix d'Anne dans la cuisine crie « Où est-il ?» La porte de la salle à manger s'ouvre, Anne apparaît. Ses souliers sont pleins de boue, ses cheveux en désordre. Dans sa petite figure fatiguée, ses yeux brillent. Fixant Thérèse, elle répète d'une voix exténuée « Où est-il ?» Thérèse regarde furtivement vers la gauche et derrière, dans la direction de Bernard, hors champ, et puis elle se précipite vers Anne, qu'elle entraîne dans la cuisine. Thérèse, derrière elle, referme la porte sans se retourner. « Thérèse, tu es dans un état. Comment es-tu ici ?»« Anne, je sais tout de même prendre un train toute seule, non ?» « Eh bien oui, quoi, je me suis échappée de Biarritz. Où est Jean ?»« Thérèse, à Paris, tu le sais bien. Je crois savoir qu'il t'a écrit. »« Anne, cette lettre. »« Ah, cette lettre. »« Mais je ne te crois pas. »« Il devait rester jusqu'à la Toussaint. »« Tu me mens comme tu m'as toujours menti. »« Thérèse, tu es d'une injustice. »« Moi qui ai tout fait, Anne. » Tu me trahissais pour me sauver, hein? Toi aussi, ah ah! Tu l'as bien, l'esprit de famille. Depuis ton mariage, tu es devenue comme les autres. Anne ouvre la porte qui donne sur l'extérieur. Thérèse, où vas-tu? Anne, à Villemeja, chez lui. Thérèse, je te répète qu'il n'y est plus depuis 8 jours. Anne, je ne te crois pas! Thérèse et Anne traversent la brume qui déborde d'une prairie où il y a de grands arbres. Le faisceau de la lampe électrique leur permet de se diriger. Les chiens aboient. On découvre la métairie de Villemeja, la maison morte. Thérèse, devancée, n'est plus dans le champ, mais le faisceau de sa lampe éclaire toujours Anne et la maison. Anne frappe à la porte des deux poings. Elle se colle à la fenêtre noire du rez-de-chaussée. Et puis, Anne, toujours suivie en panneau, disparaît derrière la maison par le côté droit. Thérèse, debout, très droite, dirige sa lampe électrique vers la gauche. Un temps, et puis rapidement, elle dirige son faisceau vers la droite. On découvre Anne qui, ayant fait le tour de ce sépulcre vide, apparaît par le côté gauche de la maison. Elle revient vers la porte, la secoue, et puis glisse sur le seuil, les bras noués autour des genoux, sa figure se dérobe. Doucement, elle pleure. Thérèse entre dans le champ, de dos et par la gauche. Anne, je partirai demain matin pour Paris, je le retrouverai dans Paris. Bernard découvre Anne qui s'est enfuie de Biarritz. Il y a une scène très violente au cours de laquelle il veut lui faire avouer les raisons de sa fuite. Nous sommes à la fin décembre. Il pleut. Voix de Thérèse. Jusqu'à la fin de décembre, il fallut vivre dans ces ténèbres, comme si ce n'eût pas été assez des pains innombrables. La pluie ininterrompue multipliait autour de la maison ses millions de barreaux mouvants. Et puis je fus ramenée au bourg, dans la maison de Saint-Clair, à peine moins ténébreuse que celle d'Argelouse. Nous sommes maintenant dans le jardin, près de la maison des Latraves à Saint-Clair. Le temps est très ensoleillé, c'est le printemps, les arbres sont en fleurs. Voix du récitant. Ce fut au lendemain de ces couches que Thérèse commença vraiment de ne pouvoir plus supporter la vie. Rien n'en paraissait à l'extérieur, aucune scène entre elle et Bernard. C'était là le tragique, qu'il n'y eut pas une raison de rupture. La mésentente suppose un terrain de rencontre où se heurter, mais Thérèse ne rencontrait jamais Bernard, et moins encore ses beaux-parents. Thérèse, à ce moment de sa vie, se sentait détachée de sa fille comme de tout le reste. Sortir du monde. Mais comment? Et où aller? C'est l'été, toujours dans le jardin de la maison, la Trave à Saint-Clair. Il n'y a personne dans le jardin ensoleillé. Le récitant, que se passa-t-il cette année-là? Thérèse ne se souvient d'aucun incident, d'aucune dispute. Elle se rappelle seulement avoir exécré son mari plus que de coutume le jour de la fête Dieu, alors qu'entre les volets mi-clos, elle guettait la procession. Voix de Thérèse. Le village était devenu désert comme si c'eût été un lion et non un agneau qu'on avait lâché dans ses rues. Derrière un rideau qui bouge, on devine un visage, un regard qui observe. La procession se reflète dans la vitre. Une autre maison, une porte entrebâillée. Quelqu'un regarde et referme doucement la porte. Les gens, pour n'être pas obligés de se découvrir ou de se mettre à genoux, se tairaient. Bernard était presque le seul homme derrière le dais. Il accomplissait son devoir. La procession, vue par Thérèse, passe. Elle s'éloigne. Nous sommes sur une lande brûlée par un soleil ardent. Le récitant. Des semaines se succédèrent sans que tombât une goutte d'eau. Même soleil implacable, le sous-bois desséché d'une forêt de pins avec des brandes. Bernard vivait dans la terreur de l'incendie. Et Thérèse attendait, elle ne savait quoi, de ce ciel inaltérable. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Polac. Aujourd'hui, Thérèse d'Esquerou, première partie, avec Georges Franju et Emmanuel Riva. Assistante de réalisation, Annie Curdevet. Cette émission a été diffusée la première fois le 27 mai 1967 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. À suivre. Thank you.